Il me semble que des bases, ça s'oublie vite. On évite de se rappeler de nos besoins logiques. Carrément, t'as besoin de bouffer, mais t'as aussi besoin de t'élever. Quand tu lèves la tête et mates une façade, partage une récit avec tes camarades, que tu te calmes sur ta musique favorite ou que tu joues sur du boulot de graphiste, il y a des gens qui ont bossé pour te foutre la trique. Ouais, t'as compris, je vais te parler de la culture et des artistes. Micro. Ouais. La base, c'est de comprendre que tout est art. Et que l'art, ça se bosse, il n'y a pas de hasard. Art nécessaire à tout le monde, mais pour sauver l'art, il n'y a plus de monde. Un artiste, c'est toujours sur la sellette. Ça enchaîne des contrats précaires avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Des petits euros par-ci, par-là, ça compte les fins de mois. Assoiffé de travail, il court partout. Chaque jour est une bataille. Le confinement est arrivé. Il aurait pu le prendre comme un moment de détente, de création. Mais il n'y a pas d'inspi, le stress s'active. Comment, sans fric ni job d'avenir, comment choper la détermination? Ouais, effectivement. Il y a quoi se poser des questions. Quand je vois que le gouvernement fait réouvrir les magasins, aberration. J'ai pas besoin de consommer ton matériel, moi. Je veux rêver à une scène, à un concert plein d'émoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton shopping? J'ai pas de perspective d'avenir, à part pour mon dressing. Le statut d'artiste, c'est devenu un mirage. Les plus bosseurs que je connais sont restés sur le rivage, abattus par l'administration, chaos sous une montagne de papiers en accumulation. Alors, l'artiste capitulera pour le capital. Survivant du corona, il ira chercher un job vital. Espèce en voie de disparition, monde sans art, entouré de magasins, on a l'air bien con. Et si même les artistes font lobotomiser, j'ai peu d'espoir pour l'avancement de la société. Parce que tuer l'artiste, c'est tuer la parole. Et il me semble que le langage est propre à l'homme. Et sans langage, plutôt vivre en camisole. Tiens! Ça me rappelle que quand il n'y a plus de parole, il n'y a plus de critique. Les artistes disparaissent souvent à l'arrivée d'un régime tyrannique. On n'a pas la force de parler quand on a faim. Basique. Attention, je vais pas trop blablater. Sophie pourrait penser que j'ai besoin de m'exprimer. Hey, Soso, les vacances, ça fait du bien aussi. La vérité, c'est juste que j'ai besoin de bouffer. Tu sais, si ça tombe, la culture pourra engranger plus de mailles que H&M, Primark et que les autres multiracailles qui, eux, se permettent de négocier leurs impôts sans représailles. Allez, on arrête les conneries. Essayons de réaliser une utopie. Je te jure que mes potos saltimbanques ont plein d'idées à revendre. Laissez-nous de quoi vivre sans devoir survivre. Ça nous laissera le temps de réfléchir pour créer un autre avenir. C'est un peu les non-essentiels, là, en ce moment. C'est parce que je dis ça, parce que j'ai déjà fait un autre micro-over. Mais là, c'était plutôt des gens dans le réca, les gens dans l'événementiel. Et là aussi, autour, il n'y a pas de table, mais on est en rond avec, sur des chaises. Et les gens sont bien gentils, me regardent tous comme ça. Et donc, l'idée, c'est de vous rencontrer, vous, artistes. Alors, je ne sais pas, on peut définir, vous pouvez, vous, quand vous vous présentez, dire artiste, pas artiste. Je ne sais pas très bien comment vous définissez la chose. Mais de savoir, j'avais envie d'entendre, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, cette société dans laquelle nous sommes, qui dit qu'en fait, on n'a pas besoin de vous, quoi. Vous n'êtes pas essentiel, vous n'êtes pas utile. Je ne sais pas très bien comment on pourrait dire la chose, mais en tout cas, on n'a pas besoin de vous. Le monde, il continue à tourner. Voilà. Qui commence? Alors, vous pouvez vous présenter, ou, anonyme ou pas. Enfin, voilà. Qui a envie de commencer? Bonjour à tous. Je m'appelle Clément Manuel. Je suis acteur. Et scénariste et producteur. Enfin, bon, on sait depuis la crise du Covid, enfin, on le savait avant, que quand on est artiste, il faut avoir de plus en plus plein de cordes à son arc, parce que sinon, on est mort. Hein. Ça nous a bien prouvé ça. Et avant, je disais, quand je suis sorti du conservatoire et quand j'ai commencé à travailler, je disais que j'étais comédien. Et en fait, c'est pas parce que je fais de plus en plus de cinéma et de télé, mais j'ai envie de dire maintenant que je suis acteur, parce que quand on est acteur, dans le mot acteur, il y a acte et il y a agir. Et là, maintenant, quand on est artiste, on agit, quoi. Il faut agir, parce que sinon, on se laisse bouffer, on devient invisible, on devient transparent. Et ça, c'est vraiment terrible. Je pense que là, nous tous qui sommes là, on a tous une boule dans le ventre depuis le mois de mars. Et cette boule au ventre ne part pas, en fait. C'est terrible, quoi. Il y a un truc vraiment de... Je sais pas, on se sent inutile, quoi. On se sent... Et en plus, on n'arrête pas de nous marteler, comme tu le disais, qu'on est non essentiel. Enfin, je sais pas, ça aussi, c'est des mots, mais enfin bon, c'est de la syntaxe. Mais enfin bon, dans essentiel, il y a sens, quoi. Et quand on est sur une scène, quand on est sur un plateau, on est là pour dire des mots qui ont du sens. On est là pour parler, pour le théâtre, c'est politique. L'art, c'est politique. Donc en fait, nous dire à nous qu'on est non essentiel, enfin, ça n'a pas de sens, justement. Mais oui, mais j'ai envie de rajouter, c'est un métier à la base qui n'est déjà pas évident, essentiel ou pas essentiel. J'ai aussi envie de rajouter, vous n'êtes pas obligé de les croire, hein. Vous n'avez pas attendu que la société se fasse pour exister. Je veux dire, ça a toujours été un métier pas facile, quoi. Soit tu réagis, soit quelqu'un veut réagir. Ah bah, en fait, ce que tu dis est tout à fait vrai et tout à fait juste. Mais il y a une petite nuance que je veux apporter, c'est qu'en fait, c'est notre métier. Mais c'est surtout, c'est notre vie, quoi. On est artiste. Et là, encore une fois, je joue sur les mots, mais on est artiste. Et on s'exprime, c'est en nous, quoi. Donc, de toute façon, je ne sais pas comment expliquer ça autrement. C'est une nécessité pour nous d'être là et de dire, et de parler, et de dire des choses. Et d'acter. Et je vois les gens qui opinent de la tête, là. Parce que c'est vrai que tu parles nous, pour nous, pour nous. Mais... Donc, en tout cas, pour toi, c'est comme ça que tu vis la chose, quoi. Oui, c'est pour ça. Oui. Enfin, je parle en... Évidemment, c'est moi qui parle, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous dans... Après, peut-être, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais... je veux dire, en plus, dans mon cas, moi, puisque c'est moi qui parle... De mars à septembre, j'ai pas du tout travaillé. Et à partir du mois de septembre, j'ai recommencé à travailler. Je fais de la télé, donc je joue dans des séries télé, je tourne, j'ai pas trop mal tourné. Mais malgré tout, j'ai quand même cette boule au ventre. Donc ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas que du fait de travailler. Ça me terrifie de voir qu'on ne nous voit pas. Enfin, j'ai des frissons parce que c'est pas possible en fait. Il y a quelque chose de j'ai vraiment la gorge nouée de je sais plus ce qu'il faut dire, je sais plus ce qu'il faut faire. On va trouver hein. Mais je sais là c'est terrible. À chaque fois on fait un truc, on se dit putain là quand ils vont comprendre. Ils comprennent et hop, ils passent à autre chose. Et puis hop, on n'en parle plus. Et puis quand même, c'est les infections montent. Et puis quand même, c'est vraiment... mais on est là, on va continuer. Et puis ce petit groupe qui est là autour de ce micro va pouvoir en témoigner, je crois. Ouais. Oui, bonjour. Moi, c'est Brune. Je suis comédienne, metteuse en scène. J'écris aussi pour le théâtre. Mais sur le papier, disons, je ne suis pas encore artiste parce qu'on vit dans un pays où il faut avoir rempli un certain nombre de conditions pour prétendre à ce titre, on peut dire. Pour réagir à ça, donc moi, je suis dans une zone grise, en fait, entre les études et ce statut, entre guillemets, qui est en gros... un accès à un chômage d'artiste non dégressif. On va peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais dans mon cas, il s'est trouvé que j'ai eu la chance, entre gros guillemets, de n'avoir pas eu de tournée ou de beaucoup de projets qui étaient engagés. Enfin, j'ai beaucoup de projets en gestation, disons, et l'énergie des gens donc, qui sortent des études, qui ont des projets en gestation, qui n'ont pas le temps d'écouter trop les gens qui te disent « c'est absolument la galère ». Bien sûr, on le sait, mais comme souvent, on le sait, mais on avance quand même. Et donc, je n'ai pas eu le choc, vraiment, de certains. Certaines de mes amies, je vais dire certaines, puisque en l'occurrence là, ce sont des filles, qui ont eu des tournées annulées, en plus dans l'espoir, ces tournées qui devaient leur permettre d'accéder à ce statut qui n'en est pas un, qui est donc un accès à une sécurité de l'emploi dans les périodes dans lesquelles on ne travaille pas, entre guillemets, ou en tout cas on ne touche pas de salaire, mais il faut savoir qu'un ou une artiste, je n'aime pas trop m'appeler comme ça, moi je me dirais plutôt ouais, pour l'instant comédienne, et puis on a beaucoup, beaucoup de casquettes pour espérer voilà, mener tous nos projets de front. Il faut savoir que par exemple, là, on est sur des créations qui sont en cours, en général, sans financement, pendant, on te dit ça quand tu sors d'école, oh, il faut compter une moyenne de 3 ans de création, sans argent, pour espérer être visible. Alors, bah, pas encore du politique, mais du moins de la profession. Donc, c'est déjà un gros truc. Être visible ou entendu, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, oui. Bon, là, je disais visible parce que je pense plutôt à des gens de la profession qui viennent voir. Oui, pardon, je parle dans le cadre du théâtre, mais il faut dire qu'il n'y a pas du tout que des artistes de théâtre dans ce milieu des travailleurs et travailleuses de la culture. Il y a aussi le milieu socioculturel qui a été très fortement touché. Donc, il y a des gens qui parlent, enfin, il y a des fédérations qui se mettent ensemble pour parler de ces problèmes, mais il y a aussi des. On est plus ou moins fédérés, ça dépend. Voilà, il y a des gens de la musique, mais des arts plastiques, de la BD, voilà, tous ces gens, là, en ce moment, se fédèrent, avec urgence, mais ça fait quand même 8 mois que cette situation est vraiment violente pour beaucoup d'entre nous. Mais là où je voulais en venir, c'est que, voilà, cette amie a été vraiment dans un état de choc de voir toutes ces dates disparaître ou être reportées les unes après les autres. Il faut savoir qu'on est dans une situation, en fait... Et c'est normal, j'imagine, on a tellement peur de lâcher prise que les théâtres ou les autres lieux culturels retardent, enfin redéplacent, jonglent avec leurs agendas. Jongler avec les agendas, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Ben là, les institutions jonglent absolument aussi. Quand tu parles de lâcher prise, ça veut dire quoi? On a peur de lâcher prise? Oui, non, c'est un peu bizarre comme expression. Non, c'est pas que c'est bizarre, mais on ne comprend pas. Enfin, moi, je ne comprends pas. Oui. Non, je veux dire, on l'entend toujours dans les milieux. Enfin, voilà, il faudrait qu'on apprenne à lâcher prise, que le bien-être, tout ça. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais il y a un peu, disons, je dirais, j'espère ne pas me tromper, mais un peu deux directions, à savoir, dans les conversations que j'ai avec des gens du secteur ou plus largement, et quand même surtout pour cette question des agendas culturels à retarder ou à arrêter. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, le théâtre du KVS, je ne veux pas dire de bêtises, théâtre flamand, qui avait décidé d'arrêter sa saison et de ne pas se dire cette année, on arrête, les gens continuent à travailler dans nos murs, mais on ne fait pas de représentation. Et cette décision, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est quelque part ce renoncement, ce lâcher-prise-là, a permis, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, d'empêcher cette chose à laquelle ont été confrontés beaucoup, beaucoup de mes amis ou collègues, à savoir la projection de « Ok, je joue fin février, mais probablement là, ça va le faire. » Et en fait, avoir de nouveau les genoux cassés, parce qu'on répète, c'est un métier de passion, d'abnégation, beaucoup. Mais faut savoir que ce qui se passe derrière, les répétitions... moi, je parle quand on a besoin d'un plateau, mais avec plein d'autres arts ont besoin de ça. Et puis en amont, les étudiants et les étudiantes qui se forment à ces métiers qui n'en sont pas, et on te dit que ça va être la galère, et tu te dis, mais en fait, OK, mais j'irai quand même. Donc il y a tous ces gens aussi invisibilisés en amont, qui ont beaucoup été laissés sur le côté pendant cette crise. Moi, j'ai fait partie des gens relativement privilégiés, encore une fois, avec gros guillemets, parce que cette sensation de plus ou moins sécurité, enfin de non-trauma que j'ai vécu, en fait, ça va entraîner que dans les... Je ne sais pas comment le milieu va s'en remettre sur 3-4 ans, en fait. Nous, on est sur des longueurs, enfin des temporalités qui sont vraiment beaucoup plus larges en fait qu'un métier normal, je dirais. Donc ça, je pense que dans mon cas, même s'il y a eu Bruxelles, la ville de Bruxelles a donné accès à un certain nombre d'aides, et ça c'était tout à fait quand même, moi ça m'a sauvée à certains égards. Enfin, mais il faut aussi avoir l'énergie des démarches administratives, d'envoyer des tas et des tas et des tas de papiers à des bureaux qui ne communiquent pas. Enfin, ça c'est très très compliqué. Donc moi je suis quelqu'un qui a, disons, allez, l'énergie pour ça, mais je connais beaucoup de mes amis qui sont aussi handicapés, qui vraiment sont tétanisés à l'idée de devoir mener toutes ces démarches administratives de front, parce que ça ne devrait pas faire partie de nos métiers. Or, il y a tout cet aspect. Et pour revenir juste à la question de essentiel, non essentiel, J'ai en tête une phrase d'une de mes amies qui m'a fait réfléchir sur la question d'une autre manière et qui me disait, et je trouve c'est beau à entendre quand même, en fait moi j'ai fait ce métier pour être non essentiel. J'ai fait ce métier parce que je ne veux pas qu'on me donne les responsabilités. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait médecine pour avoir la vie des gens entre mes mains. J'ai fait ce métier parce que je crois à la beauté absolue de la futilité. Et je crois que ce qui nous manque actuellement, c'est de se dire, ce non-essentiel-là, dont on rabâche les oreilles, en fait, il est vital. Non seulement pour nous, parce que bon, c'est très compliqué, mais quand on était, enfin, j'ai participé à une manifestation de la santé en lutte, dans laquelle j'ai eu un mot. Bon, au nom d'un mouvement d'étudiants et d'étudiantes et travailleurs, travailleuses des arts en lutte, duquel je fais partie, et j'étais étonnée à la fin. Ils nous ont applaudi, ils nous ont dit, les artistes, revenez-nous, on a besoin de vous. Enfin, nous, on ne venait pas du tout pour nous se montrer, on venait soutenir la santé et savoir qu'on est nécessaire à cette santé physique et mentale aussi, ça vient bien fou. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais... c'est très bien comme ça, on comprend mieux aussi ce qui joue. Et juste un petit détail, donc toi, en gros... On a entendu tout ce que tu as dit, mais en gros, toi pour toi, au niveau... Donc tu as une sécurité, quoi, tu ne te retrouves pas le bec dans l'eau, comme on dit. Bah, j'ai une sécurité pour un temps relativement court, je crois. Ah ouais. Et oui, là, il y a eu des aides ponctuelles, et qui sont des pansements, en fait. C'est-à-dire que mon cerveau, d'une part, se sent en sécurité pour un temps, mais peut-être ne veut pas voir à quel point... Ce plâtre qu'on me met pour quelques mois, en fait, la facture à payer après va être terrible. Et puis, je n'ai pas ce statut d'artiste qui n'en est pas un. Et pour accéder à ça, il faut cumuler des jours, un certain nombre de jours. Là, il va y avoir des débats actuellement à la Chambre pour essayer enfin, et ça, c'est une belle occasion, espérons qu'elle sera menée d'une belle façon. D'une façon satisfaisante pour tous et toutes. Là, j'ai été, disons, en sécurité parce que je touchais 70% d'un chômage temporaire ORECA, où j'étais déclarée à 16 heures par semaine. J'ai dû demander des compléments au CPAS. Et encore une fois, j'avais l'énergie de faire toutes ces démarches. Mais la plupart de mes amis ou les étudiants qui ne sont pas sur le sol belge depuis suffisamment longtemps que pour demander des aides au CPAS, par exemple. Bon, y a eu beaucoup de solidarité qui s'est mise en place, mais je pense qu'on n'a pas idée. Enfin, on n'a pas idée de la débrouille, ça, c'est sûr. Et je crois qu'il faut la saluer et dire à quel point on est de tout cœur avec ces gens qui galèrent et dont on n'a pas idée à quel point ils galèrent. Et de la débrouille, mais pour combien de temps et puis des pansements par rapport à quoi? Parce qu'après, c'est sûr que... Je pense que la peur, elle va refaire son chemin. Voilà. Quelqu'un, vous trois là, qui n'avez pas encore parlé. Bonjour, moi c'est Zouz. Je suis comédienne à la base et maintenant je suis slameuse. Et ce que je voulais dire, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Ouais, voilà. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je me sens essentielle? Je ne sais pas forcément, mais je trouve que ce qui est essentiel, c'est les histoires qu'on veut raconter, c'est les discours qu'on veut faire et c'est les thèmes qu'on aborde. Et moi, en tant que slameuse, je pourrais me dire que je continue à écrire et à travailler, peut-être pas comme un comédien qui a absolument besoin de faire un tournage ou de travailler dans une troupe ou en répétition. Mais il y avait cette espèce de truc pendant le premier confinement où il y avait une espèce d'oppression. Ah tiens, on a plein de mois où il ne se passe rien. Il y avait une espèce d'oppression. C'est le moment de créer. Et je pense qu'on s'est tous dit ça au premier confinement. Et en tout cas dans mon cas, et je pense pour mes amis autour de moi, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, je pense que pour créer, on a besoin qu'il se passe des choses. Et on a besoin de voir des choses autour de nous. Par exemple, moi, en tant que slameuse, c'est aussi en voyant d'autres slameurs sur scène, en voyant des pièces, en voyant des concerts, que je suis inspirée pour écrire. Si effectivement, je ne vois pas d'autres œuvres d'art, là, ça bloque. Voilà. J'adore, tu nous donnes un peu ta... Comment dire ton mode d'emploi pour créer, quoi. Parce que je pourrais te dire, oui, toi, tu as besoin de ça, mais d'autres, ils ont besoin d'autre chose, autrement. Oui, enfin, voilà. Mais moi, j'avais plus envie aussi comprendre aussi comment tu... Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu as besoin de création autour de toi pour être... pour créer, quoi. Ouais, on a besoin de nourriture parce que je pense que... Je sais pas, les artistes, on est aussi une espèce de grande famille. J'ai l'impression qu'on agit aussi en collectivité. Enfin, moi, je crois pas au truc d'agir seul dans son coin. Moi, je crois vraiment qu'on s'inspire tous aussi les uns les autres. Tu vas voir une pièce de théâtre, bah forcément, tu vas être inspiré par le thème abordé. Enfin, et ça fait des ricochets, quoi. Bah, y a personne qui dit le contraire de ça, hein. Je... ouais. Bah, quand même, le fait qu'on nous empêche de nous réunir dans une salle de spectacle ou au cinéma ou on nous empêche d'être ensemble, en fait, tout simplement. Zouz nous donne un peu son mode d'emploi pour créer, en disant qu'elle a besoin des autres pour créer, très bien, mais l'idée ici, c'était de dire, d'entendre qu'est-ce que... Mais c'est important que tu le dises, hein, je veux dire, il y a l'espace pour ça, mais... d'entendre qu'on est dans une société où quelque part on ne reconnaît pas aujourd'hui, là, du tout, vous n'avez pas votre place, on ne veut pas vous entendre, on ne vous ouvre pas les portes, les théâtres sont fermés. Comment est-ce que tu vis ça, toi ? Ben, c'est un peu, ça rejoint un peu ça. Le fait qu'on ne puisse pas se réunir, ça veut dire qu'il n'y a plus de création. Et moi, je ne crois pas en un monde où il n'y a pas d'art et il n'y a pas de création. Pour moi, il faut toujours de la création. C'est ça qui fait évoluer les pensées, c'est ça qui fait évoluer la société, et c'est en ça que les artistes et l'art sont essentiels. Et c'est ça qui n'est pas reconnu. J'ai l'impression que c'est ça aussi politiquement qui n'est pas reconnu, c'est que comme si on pouvait vivre dans un monde où il n'existe plus de pensée, il n'existe plus d'art, où juste les gens vont bosser. Ben non, en fait. Voilà. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, OK, la société, le gouvernement dit « vous n'êtes pas essentiel, on ne peut pas ouvrir les théâtres, les cinémas et que sais-je ». Mais il y aura toujours de la création, je veux dire. Et puis on n'a pas attendu que le pouvoir dise « vous pouvez créer pour créer ». Les gens ont continué à créer, ils ont continué à se battre, ça a continué à vivre, quoi. Vous voyez comment je me situe, moi, là, oui, par rapport sûr. À ce que tu dis. Ça fait « ah oui, ils ne veulent pas, ben alors on ne va pas ». Mais non, enfin, c'était non, plus... Et puis entendre aussi tes collègues, qu'est-ce que tu entends par tes collègues, comment ils vivent la situation, comment tu la vis, toi, dans le quotidien. Ça va, tu t'en sors, t'as une sécurité. Enfin, voilà. Oui, ben j'ai continué à créer, mais je pense que les gens ont moins continué à créer que d'habitude parce qu'il y avait moins de nourriture, en fait. C'est ça le problème. Et oui, moi j'ai eu de la chance d'avoir un tout petit chômage qui m'a permis de sortir la tête hors de l'eau, mais j'ai plein d'amis artistes dont c'était pas le cas et qui ont eu rien, en fait, vraiment aucun argent. Donc voilà, et qui devaient aller auprès d'aide alimentaire, etc. Et ça, faut pas oublier. Oui, je trouve qu'on dit un peu trop rapidement qu'un artiste va forcément créer, même s'il n'a pas d'argent, de structure, etc. C'est un petit peu facile de dire ça parce que, voilà, moi je repense donc à la manifestation Still Standing qui s'est passée à La Monnaie. Il y a eu un discours de deux techniciennes qui parlaient de tous leurs collègues, en fait, qui ont déjà changé de travail. Ah oui, qui ont déjà, voilà, qui sont devenus menuisiers, qui sont rentrés dans l'horticulture, etc. Bon, alors il n'y a pas de ce métier et c'est pas un jugement de valeur, mais c'est quand même interpellant de se dire que, ben voilà, avec toutes ces difficultés financières, de travail, etc., ce manque de perspective, ben des gens sont en train de se rediriger. Donc il y a une partie de la culture qui est en train d'être tuée. Alors évidemment, il y aura toujours des résistants, des aficionados qui vont faire malgré toutes les conditions, mais voilà, on est des êtres humains. Moi, je pense beaucoup à la fatigue nerveuse des travailleurs, en fait, de se dire que voilà, avec l'incertitude, les difficultés administratives, les contrats annulés, voilà, c'est toutes des choses qui peuvent à un moment donné vraiment entamer nerveusement les individus. Et ça, pour la création artistique, c'est pas bon. Enfin, ah non, moi je pensais que oui. Non, je rigole, c'est léger. J'arrive. Il y a des gens qui a le mythe, hein, de l'artiste maudit qui crée. Voilà, c'est le mythe Van Gogh. Mais voilà, moi j'ai envie qu'on sorte de ça. Il n'y a pas besoin d'être malheureux et d'être dans la dèche pour créer. Voilà, on n'est pas destiné à être des Bukowski. Mais donc oui, je pense que créer à tout prix, c'est pas une voie à long terme. Alors évidemment, il y a des moyens de résilience. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens qui ont rebondi très vite pendant le confinement, qui se sont servis des structures Internet, même si elles ont leurs limites sur le long terme. Moi, je ne veux pas voir du théâtre sur Internet. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas du tout. Je veux pas voir de... Voilà, j'ai envie de musique live. J'ai envie de rencontres d'art de rue, de tout ça. Moi, c'est ce qui fait sens pour moi. Le reste ne m'intéresse peu. Même le cinéma, moi, j'ai envie d'aller dans des salles. Je veux pas regarder des films sur mon ordinateur toute ma vie. C'est hors de question. Mais il y a toujours ce piège de se dire, l'artiste va se réinventer parce que c'est comme ça. Mais c'est un discours qui peut vraiment nous piéger parce qu'on va se dire, alors vu que les artistes se réinventent, le fait de réouvrir les salles, par exemple, n'est pas une urgence. Parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens de s'exprimer, parce que... Donc, on peut toujours faire des choses, on peut toujours... aller dans la rue, faire des spectacles un petit peu sauvages, ou s'emparer de nouveaux médias. Mais c'est quelque chose à court terme. Ce n'est pas une perspective à moyen et à long terme. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Non, moi, je parlais de toute façon, la création, on ne pourra pas l'empêcher. Ça fait partie de l'être humain. C'était ça aussi que je voulais dire, tu vois, fondamentalement. Et que peut-être... ne perdons pas le fil parce qu'il y a encore toi et après on peut vraiment... Parce que j'avais envie de poser la question, il y a peut-être une réelle volonté aussi pour les gouvernants de saper dans la culture, comme tu dis, il y en a plein qui se rebranchent sur d'autres métiers. Il y a peut-être une volonté aussi pour nettoyer, Après, ça se discute. Alors moi je m'appelle Martin, je suis musicien batteur dans plusieurs projets musicaux depuis que j'ai 15 ans, donc vraiment depuis très longtemps. D'abord de manière plutôt amateur pendant mon adolescence, mais ensuite pendant mes études j'ai commencé à me professionnaliser. J'ai fait un an dans une académie à l'étranger, j'ai fait pas mal de concerts en Belgique, en Europe, donc je crois que c'est un milieu qui est assez différent du théâtre, donc moi je vais plutôt parler au nom de la musique. Et par rapport donc au terme essentiel et non essentiel qui était donc la question de départ, savoir comment tu le vis, quoi, comment tu l'interprètes, comment... En fait, moi, cette distinction, elle ne m'a pas étonné quand elle est sortie la première fois, parce qu'on a toujours eu l'impression d'être non essentiel. Donc, que ce soit dit avec des mots au niveau plus juridique ou au niveau des normes, en fait, c'était juste quelque chose qui n'était pas très surprenant pour moi, parce que les problèmes qu'on a pointés du doigt pendant le coronavirus ont toujours été existants pour l'art et la culture. C'est juste que là, ils étaient exacerbés. Donc peut-être que plus de gens s'en sont rendus compte. Mais le problème de la reconnaissance du métier d'artiste, il a toujours existé. Et en tout cas, dans la musique, tout le monde a compris ça depuis longtemps. Et les artistes ont appris à créer sans aucune aide de l'État. Parce que voilà, quand tu fais la musique et que tu as un projet, c'est très compliqué d'avoir des soutiens à la création. Donc tu mets la plupart du temps de ta poche. Ce qui nécessite du coup d'avoir des métiers complémentaires pour payer tes albums, tes clips, tes tournées et espérer peut-être après 3, 4, 5 ans d'activité pouvoir dégager un peu de bénéfices. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que dans la musique il y a un rapport assez indépendant de l'État, en tout cas au niveau de la création, et que donc on a toujours eu l'impression d'être non essentiel et que c'est quelque chose qui continue. Sinon, par rapport au confinement, c'est vrai, comme disait Quentin, il y a eu des efforts de la part des artistes et des salles de concert pour continuer à donner une visibilité aux musiciens via des concerts en streaming, mais qui ne sont pas du tout viables sur le long terme. C'était marrant pendant 2-3 mois, mais ce n'est vraiment pas une solution pour l'avenir. Quoi. J'adore le mot « effort », il y a eu des efforts. C'est marrant que vous utilisiez ce mot, « des efforts ». Il y a eu des efforts pour montrer que c'était possible de faire autrement via les plateformes, quoi. Pourquoi vous utilisez le mot « effort » ? Parce que quand une salle comme Flagey se renouvelle dans le streaming, la diffusion, c'est pas du tout dans ses missions. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour un festival de tout transférer en ligne. Ça nécessite d'appeler des techniciens en plus, ça nécessite de pas compter sur une billetterie, ça nécessite de pas compter sur un bar. Et c'est une espèce d'adaptation qui est assez bluffante et qui prouve que le milieu de l'art, de la musique, a toujours su s'adapter à plein de situations inattendues, et ça le prouve encore plus dans ce genre de moments difficiles, où on voit comment, en fait, le milieu est juste habitué à se renouveler et à s'adapter. Et quoi, c'est bien ou c'est pas bien, ça ? Je crois que c'est... ça devrait pas arriver. C'est pas normal qu'on ait toujours à trouver les solutions financières, à devoir se renouveler, trouver des tafs sur le côté. Donc, c'est pas normal de devoir travailler dans l'ORECA pour pouvoir être artiste. C'est pas normal de devoir être prof sur le côté, dans pas mal de cas. Mais voilà, je crois que être artiste aujourd'hui, ça nécessite soit d'avoir un statut qui est très compliqué à avoir, comme tu l'expliquais, soit aller au CPAS, soit faire des heures supplémentaires pour avoir la possibilité de créer. Mais non, c'est pas normal, mais voilà. Moi, en tout cas, les premiers mois pendant le confinement, voir que le milieu était hyper solidaire, donc autant au niveau des salles de concert que des musiciens, que des agents, que des managers, et voir que tout ce petit milieu s'est fédéré pour continuer à donner une visibilité à la création belge, c'était un truc qui faisait quand même assez chaud au cœur et qui prouve qu'en fait, il y a quand même une belle solidarité dans la précarité. Et j'ai envie de rajouter, tu es pour aussi, parce que j'ai entendu ça, du théâtre... Non, c'est de la... La musique, c'est du théâtre vivant quand même, non ? Mm-hmm. Ça veut dire que moi, je l'entends comme ça. Après, vous pouvez le définir mieux, puisque c'est vos métiers. C'est-à-dire qu'il y a un public, il y a une scène, il y a de la lumière, il y a de la vie, quoi, il y a de l'énergie, que si on enlève tout ça via son ordinateur. C'était important aussi de souligner. Moi, j'ai entendu un discours comme ça en disant « Mais non, nous, on veut pas finir derrière un clavier, quoi, ou derrière un écran. On veut retrouver la scène, quoi. » Oui, bah, tout à fait. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, en fait, de faire de la musique si c'est pour qu'elle soit... juste audible sur Spotify ou en streaming. En fait, pour moi, la musique, c'est quelque chose de vivant, d'autant plus quand c'est des musiques avec des instruments sur scène, donc des musiques jouées, qui est la base de la composition. Donc, en fait, moi, dans mon cas, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a sorti notre deuxième album avec mon projet au mois d'avril, donc pile au milieu du confinement. Et on a dû annuler une trentaine de dates sur le printemps, sur septembre. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on a préparé avant, donc les clips, l'album, le studio, qui coûte énormément d'argent, le seul but de faire cet album, c'était de lui donner une vie sur scène. Du coup, en fait, si on sort des albums et qu'on ne peut pas leur donner une vie sur scène, ça ne sert à rien, c'est juste une énorme perte d'argent. Et pourquoi tu dis que ça sert à rien ? Parce que du coup, moi je comprends pas tout, hein. Je suis pas dans le secteur où... Pourquoi tu dis que ça sert à rien ? On va quand même entendre ta musique. Bien sûr, mais ça c'est mon avis personnel. Je crois qu'il y a des musiciens, des producteurs qui vont pas défendre leur musique sur scène parce qu'eux ils veulent juste la partager sur le réseau. Mais moi c'est juste que la raison qui m'a poussé à faire de la musique, c'est d'être sur scène. Et l'aspect studio-diffusion, ça a toujours été un aspect promotionnel. Donc ça c'est mon point de vue à moi. Très bien. Réaction ou tout ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes. Mais ce que tu disais par rapport à la scène, il y a aussi le fait que, je crois, arrête-moi si je me trompe, mais que pour les musiciens, surtout maintenant, comme tu dis, il y a de plus en plus de streaming depuis de nombreuses années, et le milieu de la musique a réussi à s'adapter à ça, là où les musiciens gagnent de l'argent maintenant, c'est en faisant des tournées. En faisant des spectacles. Oui. Donc on revient à ce problème de l'argent, en fait. Et on revient au fait que si on n'a pas d'aide, si on n'a pas d'aide pour vivre et pour faire notre art, on ne peut pas faire notre art comme on pourrait le faire. Alors évidemment, la nature humaine et toutes les espèces sur Terre s'adaptent. L'adaptation, c'est l'histoire de la vie. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, on peut rajouter, pas forcément toujours dans le bon sens, quoi, l'adaptation, hein, je veux dire, regarde. Bah, en tout cas, elle va dans le sens de la vie. Et, enfin, Non, mais je veux dire, des fois, on s'adapte, regardez des fois comment l'être humain vit, il est capable de s'adapter, comme on dit, au meilleur et au pire, quoi. Bah pour moi, ça. Là, c'était la petite minute philosophique. Hein, Ça va, quoi. Non, d'accord. Non, mais j'essayais de comprendre où tu voulais en venir. Mais oui, effectivement. Mais alors, du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'entends là depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une colère là qui monte, en fait, parce que c'est. Oui, il y a l'adaptation. Oui, on va s'adapter. Oui, on va être là. Oui, on va trouver un moyen de s'exprimer. Mais. Comme l'a dit très bien Sophie Wilmès, enfin plutôt très mal, le fait les artistes, c'est pas que des gens qui s'expriment. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose. J'ai envie de dire, c'est quoi aussi d'autre ? Bah, c'est quoi aussi d'autre ? C'est ? Bah, c'est des gens qui ont besoin de travailler, de se nourrir, et qui ont des familles. Enfin, c'est ça que tu veux dire, en fait. Aussi, et des travailleuses, entre autres. Il y a plus que ça, mais. Et aussi qui. Et en fait, pour moi, un artiste, c'est un média. Un média dans le sens où c'est à travers l'art que s'exprime la société. C'est l'artiste qui arrive qui en éveille, justement ce que Zouz disait tout à l'heure, qui arrive à regarder ce qui se passe dans la société pour arriver à l'exprimer de façon indirecte. Pour moi, c'est ça. C'est... Voilà, après c'est mon point de vue. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au travail, enfin à l'argent, c'est qu'on est en 2021, bordel de merde, pardon pour l'expression. Mais en fait, le statut d'artiste, ça fait je crois 30 ou 40 ans, l'Union des artistes s'est beaucoup battue pour faire émerger, pour faire signer ce papier. Et c'est encore un peu flou, donc déjà c'est flou, donc déjà c'était instable. Mais là, avec cette crise du Covid, j'ai l'impression qu'on s'en est servi pour balayer ça, parce que c'était quand même très très ennuyeux d'avoir ce truc-là. Et donc hop là, on a balayé ce truc des artistes, parce qu'en fait, bon, allez, ils vont quand même bien trouver un moyen de s'adapter, ils vont quand même bien trouver un moyen, et puis, ça va continuer. Mais en fait, on a besoin des aides pour survivre, parce que là, c'est de la survie. Tu appelles à l'aide, là. Je ne sais pas, j'ai pas envie de répondre à ça. Et je voudrais rajouter à ce que tu dis, Clément, c'est que bon, on a cette image, les gens qui nous regardent en général ont cette image de l'artiste comme effectivement, enfin Sophie Wilmès aussi avait cette idée de toujours, on est multifacette, on arrivera toujours à se recréer, à trouver des issues. Déjà, cette crise a montré que c'était compliqué. Tu disais tout à l'heure, on créera toujours. En fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, cette injonction à être créatif. Non, mais attendez, parce que moi, quand je dis ça, c'est dire que l'être humain, institution ou pas institution, c'est parce que vous j'ai l'impression que vous parlez d'office de l'institution subventionnée. Non, pas du tout. L'être humain est créatif, quoi, tu vois. Mais justement, pendant cette crise, on nous a dit, vous qui savez si bien faire ça, faites-nous bien passer ce premier confinement, mais institutions ou pas, des gens qui n'ont rien à voir avec ça, par exemple. Et en fait, il y a eu vraiment cette espèce de bug du milieu artistique devant cette injonction consciente ou inconsciente dite par des dirigeants ou pas, par des gens qui a priori ne font pas de politique, on s'est retrouvés à être très, très démunis. Aussi parce que c'est pas si facile. Enfin, on peut nous renvoyer actuellement que faire ce métier. Mais je trouve qu'on s'en mêle un peu en parlant de. Ouais, mais j'essaye de comprendre. Ok, je vais essayer d'être claire. Actuellement, on ne peut pas faire aussi ce métier et créer comme on veut parce que on peut nous renvoyer tout à fait, peut-être à juste titre, qu'on mettrait en danger une grande partie de la population. C'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces discussions autour d'ouvrir ou pas ouvrir les théâtres. Habituellement, un artiste, on le laisse être contre, on le laisse exprimer une vision du monde et tout ça, mais pas dans un cadre... Enfin, la pandémie, c'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble face à cette espèce d'énorme inconnu. Donc, on est aussi dans ces tiraillements-là. Et pardon, pour revenir à ce que tu disais, Clément, non seulement... En fait, c'est qu'on n'est pas juste nous, artistes, voués à, comment dire, à se retrouver dans les situations de précarité. C'est comme si, actuellement, de plus en plus de gens allaient devenir, allaient vivre cette chose de devoir vivre comme un artiste, en fait. parce que être dans une très grande précarité, devoir dealer avec beaucoup de choses pour survivre. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est comme un exemple qui existe et qui a été dans une galère depuis très très longtemps et qui doit se réinventer et tout, mais cet exemple de l'intermittent, de l'artiste, il menace, entre guillemets, tout un pan, enfin, une très très grande partie de la société avec cette crise. Tu vois ce que je veux dire ? Non, là, j'ai perdu un peu le fil, j'avoue. Ouais. C'est que ces schémas économiques qui sont de très grande précarité, qu'on connaît et qui sont encore plus compliqués, enfin plus graves pour nous actuellement. Mais quand tu dis nous, c'est ça le problème. Redéfinis, parce que quand tu dis nous, c'est quoi les travailleurs, les intermittents du spectacle, tu vois, parce que alors moi, enfin, on s'y perd un peu. Disons les travailleurs des arts et de la culture et plutôt ce régime de l'intermittence, mais moi je n'y suis pas. Mais disons que ce modèle de l'intermittence, d'une vie intermittente financièrement, il va probablement toucher de plus en plus de catégories de la population, qu'on soit travailleur des arts ou pas. Et c'est ça que j'essaie de dire avec mes mots qui s'embrouillaient. D'accord, voilà. D'accord. Donc on doit être vigilant. Enfin, je veux dire, ça nous concerne tous, cette question de l'artiste, entre guillemets. Enfin, on n'est pas là que aussi comme des artistes. Beaucoup de travailleurs vont se retrouver peut-être dans cette très, très grande précarité et à dealer avec ça. Donc c'est une question dont on doit se saisir collectivement, je crois bien. Mais je crois que oui, d'office, y a cette réalité que tu dis. Mais là, c'était vraiment de comprendre un peu qu'est-ce que vivent... Parce que c'est quand même la culture qui est ciblée, là. On peut plus... Enfin, je sais pas, ça fait bientôt un an, quoi, les gars. Enfin, il y a une petite coupure entre septembre, là, pour dire, allez, on revient à une vie un peu normale. Et puis, hop, de nouveau, deuxième confinement. Mais c'est quand même fou, quoi. On n'a plus accès au théâtre, plus au cinéma, plus... C'est quand même dingue, ça. Enfin, je suis limitée, plus à la danse. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la culture ? Il y a plein de choses, quoi. C'est quand même énorme, quoi. Donc, c'est quand même un secteur qui est ciblé, quoi. C'est ça aussi, hein. Parce qu'après, évidemment, le confinement... la pandémie fait en sorte que ça touche mais énormément de gens. Il ne faut pas spécialement être du milieu de la culture. Mais là, la culture est ciblée, quoi. Elle est empêchée. Alors, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait que la culture est pointée du doigt, est ciblée et fermée. Et je remets une grosse croix dessus. Le fait d'interdire à la culture de s'exprimer, enfin, arrêter de dire s'exprimer parce qu'on va croire encore que... Voilà. Mais... Le fait qu'il n'y ait plus de culture, ça a d'énormes conséquences sur la société. Et c'est ça qui est très problématique. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi les conséquences ? Eh bien, il y a des gens qui... C'est la santé mentale des gens est extrêmement impactée. Il y a des... tu parlais du socioculturel qui est... c'est la catastrophe. La jeunesse, l'enseignement, c'est abominable. Et je pense que tu pourras en parler mieux que moi, d'ailleurs, de ça, non ? Quelqu'un veut parler de ça, non ? De l'enseignement ? Non, de toutes les conséquences. En fait, ce qu'on oublie, ce qu'on a tendance à oublier, c'est aussi que donc, la culture et tout ce que génère une pièce de théâtre, un concert, c'est aussi des revenus pour l'ORECA, pour le tourisme, et plein de métiers sous-jacents, et plein de secteurs qui sont connectés. Un concert à la baie, c'est des gens qui prennent les transports, c'est des gens qui vont à l'hôtel, qui vont consommer, et ça fait vivre vraiment plein de secteurs qui sont connectés à l'art. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'isolé. C'est vraiment... Oui, et de toute façon, pour justifier l'art, on parle justement de ces exemples que tu donnes, parce que ça fait marcher l'entreprise, quoi, entre guillemets, ça fait marcher le biz. Mais ce qui serait peut-être aussi intéressant, mais on le sait, c'est que l'art, ça fait aussi plein d'autres choses, hein, et pas forcément business. Et d'ailleurs, c'est pour ça, normalement, je pense, qu'on choisit ce genre de métier, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas d'office gagner plein de thunes, sauf si on devient... Sauf si on devient, mais il n'y en a pas 36 000 qui deviennent hyper, vous voyez, je ne sais pas moi, qui cartonnent avec leur art, quoi. Oui, donc il y a, au-delà des aspects financiers, il y a le détricotement du lien social. J'ai envie de vous partager une expérience qui a été très importante pour moi pendant le premier confinement. C'est que, voilà, face au vide, les spectacles annulés, etc., avec une amie, on s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, bah tiens, on va aller jouer dans les maisons de repos. J'avais vu que d'autres gens faisaient ça, j'avais vu ça passer sur Facebook, et je me suis dit, ok, là, dans une espèce de nuage noir dans lequel je me situe personnellement, c'est là que j'entrevois une éclaircie et où ma pratique commence à refaire sens. Et donc, on a été, avec une amie, jouer des vieilles reprises de Brassens, tout ça, dans plusieurs maisons de repos, notamment dans des endroits où, parce qu'on venait, parce qu'on était là, qu'on avait mis en place cette chose-là, pour la première fois, les résidents se retrouvaient dans la même pièce. Et ça, c'était incroyable. Et je pense que cet exemple est ultra parlant de ce que la culture peut apporter. Sans forcément non plus aussi tout le décorum qu'il peut y avoir autour, etc. Là, c'était d'une simplicité extrême, quoi. On n'était pas amplifié, on était avec la guitare, des reprises, on avait essayé de répéter sur Zoom la veille, enfin c'était folklorique, mais là par contre, au niveau de l'impact sur le public, sur les individus, mais c'était d'une force et d'une puissance de vie indescriptible, quoi. On a vu vraiment ces personnes qui étaient dans un isolement, on va dire extrême, parce qu'elles étaient pour la plupart vraiment enfermées dans leur chambre, ils n'ont même plus accès aux salles communes, etc. Et d'un coup, on voit les yeux qui s'allument, quoi. Et là, il n'y a plus de doute de savoir si on est essentiel. Il n'y a plus de doute possible. C'est là, c'est tangible. Et les gens sont ensemble, et on est ensemble avec eux, et puis on le ramène de l'extérieur, et d'un coup, les murs de la maison de repos, ils s'écroulent, quoi. D'un coup, voilà, le monde est de nouveau uni. Je pense que ça parle. Mais à fond. Je te donne la parole, mais avant, j'avais envie de dire, ce que tu dis, c'est super important. Et j'avais envie de poser la question. Depuis la nuit des temps, il y a plein de bouquins qui ont été écrits pour dire que la culture, mais avec un grand C, quoi, voyez, que ce soit comme tu viens de donner cet exemple-là, mais c'est le ciment. C'est pas beau le ciment en berque, en plus, c'est du business. Mais c'est vraiment ce qui nous relie les uns aux autres, quoi, la culture. Vraiment, c'est un truc hyper puissant. Et donc, j'avais envie de vous poser la question. Après, on refait un tour, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Hein, donc, votre pensée doit être un peu plus petite. C'est dire, mais à votre avis, parce qu'on prenait souvent l'exemple des avions, oui, mais on continue, les avions, vous voyez, c'est des petits espaces, les gens sont quand même assis les uns à côté des autres, plus forts que dans une salle de spectacle. Et donc, il y a deux poids, deux mesures comme ça, hein, vous voyez. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce que... À votre avis, pourquoi ça se met en place, ça ? Je veux dire, les gouvernements, ils sont... Je dis les gouvernants. Le gouvernement n'est pas débile, quoi. Enfin, il sait que la culture, c'est puissant. À votre avis, pourquoi ça se passe comme ça ? Voilà, j'avais envie de dire ça. Tu voulais dire quelque chose suite à... Oui, moi, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais au niveau des yeux qui s'illuminaient pendant vos concerts. C'est vrai que la petite période où il y a eu à nouveau quelques spectacles entre juillet et septembre à peu près. Nous, les rares concerts qu'on a eu l'occasion de faire, c'était hyper perceptible. Donc, cette espèce de communion entre les gens, malgré les masques, malgré le fait qu'ils doivent être assis, malgré la distanciation, on sentait que c'est vraiment quelque chose qui manquait. Et ça n'avait jamais été aussi perceptible que lors de ces rares occasions pendant l'été. Sinon, par rapport à ce qu'on vient de dire, moi, je pense qu'en Belgique, il y a un problème structurel au niveau de la reconnaissance de l'artiste, c'est-à-dire que la culture est une compétence communautaire, gérée par les communautés donc wallonnes et néerlandophones, et le statut de l'artiste, lui, il est au fédéral, et il y a un manque de communication au niveau de l'organisation de ce statut, qui en fait est un chômage non dégressif de l'ONEM, mais qui n'est pas du tout en connexion avec les réalités que les communautés connaissent. Donc je crois que c'est un des problèmes vraiment typiques belges. ta lecture du gouvernement, comment il voit les choses, c'est juste une question administrative, il gère ça pas bien, quoi. Non, notamment ça, mais ça se résume pas que à ça. Je dis, c'est un problème absurde à la Belge. Mais il y a aussi un problème de fond c'est clair. Et c'est quoi ce problème de fond? On n'a pas le temps de développer, hein, mais chacun donne un peu son avis comme ça, pour entendre ce qu'il y a quand même à dire là-dessus, quoi, parce qu'on peut se poser la question, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça? Alors que peut-être dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça, hein, aussi. Donc ce n'est pas une fatalité, ce qui se vit là, tu vois. Il y a moyen de faire autrement, quoi. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Je pense parce que d'une part, on n'est pas un secteur dit rentable. Et pour répondre à ta question, est-ce que notre gouvernement n'est pas débile ou quoi, je ne vais pas réagir exactement sur ça. Mais moi, je suis française et on constate que depuis des années, nos élites réservent une place de moins en moins importante à la culture. Et nous avons des élites de moins en moins cultivées et qui mettent de moins en moins d'importance. Je crois que c'est assez grave. Voilà. Oui, d'ailleurs, on l'a vu en France. Donc moi aussi, je suis français, ça fait 20 ans que je suis en Belgique. Il y a une ministre de la Culture qui, dès le départ, a défendu les artistes et le monde de la culture. Elle n'a été absolument pas entendue, absolument pas écoutée. À qui tu penses, là? Au gouvernement français. Donc et pourtant, le gouvernement français a quand même fait des choses pour laisser les cinémas ouverts. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté net. On a dit c'est comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, ça, c'est un détail. Enfin, je parle de la France, mais en Belgique, et tout le monde s'aligne en fait. Il y a une sorte de. On s'aligne, t'as raison, on s'aligne sur une décision économique. Enfin, la politique s'aligne sur l'économique. Et oublie quelque chose de fondamental que tu disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la culture, l'art est un pilier de la société. Et ne pas considérer que la société tient sur ce pilier, c'est ne pas voir que la société est en train de s'effondrer. Ben, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier que la culture, c'est aussi un média pour réfléchir. Et peut-être que ça arrange, en fait. Peut-être qu'en ce moment, on ne réfléchisse pas trop à la situation qui se passe. Peut-être que c'est une espèce de flemme. Tant mieux, en fait, qu'on ne réfléchisse pas trop. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis tant mieux qu'on ne réfléchisse pas trop? Ben, je sais pas, j'imagine qu'il doit avoir une espèce de pensée générale comme ça. Qu'ils doivent, c'est ça? Tu dis le gouvernement, par exemple, pourrait penser ça, tu vois. Une espèce de truc, ben, en fait, tant mieux, faisons pas trop d'efforts. C'est bien de ne pas trop réfléchir, de ne pas être trop critiqué, je sais pas. Et en tout cas, au-delà des considérations d'ordre hygiénique, c'est un choix politique juste de fermer les théâtres et d'ouvrir la rue Neuve. Voilà, c'est un choix politique et ça montre quand même une orientation que prend la pensée politique actuellement, quoi. Parce que c'est pas rationnel de se dire que voilà, nous on était devant sur la place de la Monnaie samedi, la rue Neuve était vraiment mais bondée, bondée, bondée. On n'arrivait pas à passer. Enfin, c'est assez incroyable. Et moi, j'ai encore des frissons en repensant au slam de Zouz samedi sur la place de la Monnaie, qui en fait dit bah oui, en fait nous on veut autre chose que ces magasins. Elle le dit en face des grandes enseignes illuminées, etc., qui brillent de tout leur feu là en face, de tout leur feu d'artifice et on a besoin d'autre chose. C'est pas la société dans laquelle on se reconnaît. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut dire en nombre aux politiques. En fait, qu'on est, comme dirait Alain Souchon, une foule sentimentale. Je pensais jamais que je citerais une fois Alain Souchon. Ouais, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui te rend? Mais toi, vite, on fait une petite parenthèse. Toi, Quentin, c'est le gars qu'on a entendu parler pendant le confinement, le premier, quand tu t'es mis torse nu suite à la sortie du confinement, parce que justement, dans la rue Neuve, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et t'as eu des ennuis pour ça? Simplement, c'est dingue ça aussi. Ouais, alors ça c'est presque encore un autre problème, mais oui, en effet, oui, suite à cette performance où je voulais simplement interpeller le public et les politiques sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire les magasins avec un nombre pas possible de gens. C'est ça. C'est ça, et la culture dont on ne parlait même pas à l'époque, qu'on n'évoquait même pas. Oui, alors oui, je suis encore dans les conséquences actuellement de ces 10 minutes de marche au ralenti voilà, ça pose d'autres questions d'ordre de la liberté d'expression et puis même de jusqu'où va l'état de droit. Parce qu'on me dit juste, bah, parce que la loi, c'est la loi, et dans le règlement, à ce moment-là, tu ne pouvais pas. Et donc du coup, même si, de fait, même le bourgmestre de Bruxelles, même tous les gens que j'ai rencontrés sont d'accord pour dire que ben, ce n'était pas très grave ce que j'ai fait, et puis que c'était même plutôt important, malgré ça, parce qu'il y a un règlement qui est en place, ben, on ne peut pas discuter là-dessus. On ne peut pas rentrer dans les détails, j'imagine que peut-être tu es en procès ou je ne sais pas quoi, donc si tu ne peux pas parler, ne parle pas, mais quoi, tu as une amende salée par rapport à ça? Bah, à la base, on avait donc 250 euros chacun, parce qu'on était donc 4 avec les gens qui prenaient la prise de vue. 1000 balles, quoi. Donc ça fait 1000 euros, en effet. Et la proposition de la ville de Bruxelles a été de transformer cette amende en travaux d'intérêt généraux. Génial. Et tu dois faire quoi? Vous devez quoi? Eh ben, on nous a proposé une carte blanche. Donc finalement, on va se servir de cette prestation citoyenne, pour utiliser le terme exact, pour réaliser un reportage sur l'importance de la culture. Bah, vous vous êtes réapproprié le bazar, du coup, alors. C'est bien, ça? Oui, je pense que c'était... on n'a pas gagné, mais ça reste quand même une petite victoire. En tout cas, payer l'amende, pour moi, ça aurait été la déprime totale. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur tout ce qui s'est dit? Donc, l'idée de départ, c'était... Mais je crois que tu as déjà donné ton avis sur le gouvernement, comment est-ce qu'il mettait les choses en place et comment vous, votre secteur, les gens autour de toi, comment interpréter ce qui se met là en place, quoi? C'est incompréhensible, quoi. Il y a deux poids, deux mesures, on ne comprend pas bien à quoi on joue. Je crois que tu as déjà donné ton avis. Oui, mais j'ai encore quelque chose à dire. C'est que je sais qu'en Espagne... Pour le moment, les salles de concert, salles de théâtre sont réouvertes avec des adaptations qui existent. Et c'est tout à fait possible de continuer à trouver des solutions, faire des jauges réduites. Il y a aussi des tests qui ont été faits récemment où on a fait des concerts comme avant, avec 500 personnes. Et on se rendait compte que personne n'avait été contaminé si les normes hygiéniques étaient respectées avec du gel, des masques. Et pourtant, j'ai pas l'impression que depuis la deuxième vague, il y ait eu une seule réflexion politique par rapport à ça, malheureusement, alors qu'on voit à l'étranger qu'il y a des solutions qui se font et qui marchent. C'est terminé, mais est-ce que vous voyez, si vous avez vraiment besoin de dire quelque chose, voilà, le micro est là, sur ce qui s'est dit. Non? Tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire? Allez alors, merci à vous en tout cas. Merci.